le 6-9 de l'été, sur France Inter. Il a popularisé le rock'n'roll dans les années 50, puis il a connu la gloire dans les années 60, des périodes plus difficiles dans les années 70. C'est bien sûr Elvis Presley, Magic Elvis. On a rendez-vous tout l'été avec Philippe Robin qui retrace la carrière de Presley. Ce matin, on revient sur le formidable engouement autour de Presley. Évidemment, dire qu'Elvis Presley est un phénomène relève du pléonasme. Cela dit, de tous les gens que je rencontre à Memphis, ses proches, ses amis, sa famille, aucun n'aurait imaginé un tel engouement pour Elvis. Tous pensaient qu'au bout d'une ou deux décennies, les passions allaient s'apaiser et que le nombre de visiteurs à Graceland irait en diminuant. Mais c'est tout le contraire qui se produit, à la grande surprise de George Klein, vedette à la radio et à la télévision, avec ses émissions hebdomadaires consacrées au King. Sirius 13 Elvis Radio, it's the GQ and your speaker George Klein, live in beautiful Graceland, in Memphis, Tennessee. Jim, hit me on the horn there. Nobody could have predicted the future would be like it is today, with 30 years after a guy passes away, if they're still... Personne n'aurait pu prédire ce que l'on a aujourd'hui, 30 ans après sa mort. Avec tous ces gens qui visitent sa maison, achètent des disques, des vidéos, des souvenirs. Vous savez, 800 000 personnes par an viennent à Graceland. C'est incroyable. Personne d'autre ne provoque un tel engouement. Pas même le président Kennedy, John Wayne, Marilyn Monroe, James Dean, Buddy Holly ou John Lennon. Si quelqu'un dit qu'il avait prévu ça, c'est un fou. Le rayonnement, l'aura d'Elvis Presley a donc maintenant dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Que l'on aime ou pas ses chansons, personne ne peut nier l'impact incroyable de cet homme dans le monde. Certains essayent d'apporter une explication, comme Frédéric François, fan d'Elvis depuis les années 60. Presley, c'est pas seulement des chansons. C'est ce côté affectif et ce côté de point de repère de la vie de chacun d'entre nous qui fait qu'il est devenu un monument. Au-delà de sa personnalité, au-delà de nous avoir donné des chansons extraordinaires, au-delà de sa façon de bouger, d'avoir tout inventé. Même mon fils Vincent, donc une autre génération, il se disait américain et il adorait Presley. Imaginez, c'est extraordinaire ça. Toutes les générations vont donc se retrouver à Memphis, et plus précisément chez Elvis, à Graceland, ces prochains jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici, on se prépare activement. Visiblement, les événements organisés par le passé à l'occasion des 10 ans, puis des 20 ans de la disparition de Presley, feront figure de répétition générale à côté des festivités qui s'annoncent. Dans l'entreprise Elvis Presley qui gère tout ça, Angie Marquise est très impatiente. It's gonna be amazing. It's gonna be... Ça va être un été génial. Il va y avoir ici des gens qui sont déjà venus 100 fois et d'autres qui viendront pour la première fois. On entendra parler 5, 6 ou 7 langues différentes à la fois. Et tous ces gens seront là pour célébrer la vie, la carrière d'Elvis. Et il faudra fermer le boulevard Elvis Presley à la circulation. Toutes les précautions seront donc prises pour que l'accueil des visiteurs se passe dans les meilleures conditions possibles et pour que ces festivités autour de la mémoire d'Elvis soient une magnifique communion et une bonne affaire commerciale. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning. He brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. My letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox and sent a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it, return to sender, address unknown. No such number, no such zone. Return the sender, return the sender, return. Retour à l'envoyeur, Return to Sender, Elvis Presley, Magic Elvis, une série réalisée il y a 10 ans par Philippe Robin. Et comme cette série est formidable, on s'est dit, on va la rediffuser cette année à l'occasion du 40e anniversaire de la disparition, de la mort d'Elvis Presley. Et le jour important, c'est demain, oui, c'était le 16 août 1977. Elvis Presley est parti, miné par l'ennui et par une vie de star qu'il ne supportait plus.